Je vais vous présenter l'offre de parrainage EDF. Papy, qu'est-ce que tu fais là? Il faut partir maintenant. Hein? Ah bon? Ben oui, maintenant, c'est le filleul qui gagne le plus. Jusqu'au 31 décembre, souscrivez un contrat d'électricité en offre de marché et devenez filleul pour bénéficier de 40 euros remboursés sur votre facture d'électricité. Infos et conditions sur edf.fr/parrainage. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Il s'agit du flow de cast. Ça pue sa mère. Florent Bernard. Bravo. Adrien Méniel. Bravo, bravo. C'est très très impressionnant. Ah ouais, c'est toujours un spectacle hein, de toute façon. Oui, bonjour. Oui. Alors, oh là bah là. Oui, oh là là, ah, non, mais... le Covid. Mais là, les gens ils se disent, mais quoi? Mais vous avez brisé le confinement? Vous êtes ensemble? Mais non, mais bordel. Mais pas mais du c'est... tout. La c'est technologie folle. Mais ouais. C'est fou, c'est le web. C'est fou ce qu'on a rien fait avec les ordos aujourd'hui. Oh là là, laisse tomber. Et oui, parce qu'en fait, on enregistre chacun de notre côté et avec une technologie assez nouvelle qui s'intitule le téléphone. Absolument. On peut se parler en même temps et oui. Chacun enregistre de son côté. Et ensuite, bon, bah voilà, petit montage. Et du coup, voilà. Donc, peut-être, j'ai un forfait illimité donc. Mais déjà, t'es blindé de thunes, ça on le sait. Ça, oui, ça c'est sûr. Ce qui me permet de vivre de mes rentes pendant le confinement. Oui, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Voilà. Adrien, comment vas-tu déjà? Parce que les gens se sont inquiétés, les gens se sont dit il est pas là Adrien la dernière fois, les gens ont cru que j'essayais de te virer peu à peu, tranquillement. Eh bien non, j'avais tout simplement le Covid-19. Alors, la réponse était beaucoup plus d'actualité. J'étais atteint du Covid. Mais alors, rassurons quand même nos auditeurs, ça va beaucoup mieux. Ça va beaucoup mieux. Bon, encore une fois, il y a pas de comme le gouvernement ne se tire pas par les bretelles, on n'a pas moyen de savoir à 100% que c'est ça que j'ai eu puisqu'on n'est pas testé. Ouais. Mais a priori, vu les symptômes et tout ça, c'est ça que j'ai eu ainsi que ma meuf. Ouais. Parce que nous vivons ensemble et on n'est pas les derniers pour se galocher, donc évidemment. Oh là là, les gros bourreurs, les deux. Oh bah s'il y en a un qui l'a, l'autre il l'a aussi, tu vois. Oui, enfin fatalement. Et voilà. Et donc voilà, j'ai eu 8 jours de fièvre, difficulté à respirer. Mais c'est ça, de l'extérieur c'était un peu, enfin tu vois, tu disais oui, oh là j'ai un peu la fièvre, et, oh j'ai un peu ça. Et en fait chaque jour un nouveau symptôme. Ouais. Perte de l'odorat et du goût, totalement. Ouais. Donc ouais, ça, retour de Wuhan après avoir mangé du pangolin, ce qui est quand même aussi vraiment. C'est un ça truc aussi. Une fois, je fais une entorse à mon régime vegan, un petit sauté de pangolin, bah, ça m'a foutu dedans. La connerie, c'est une connerie de ta part hein, en même temps. Bah, j'ai merdé, pardon. Mais c'est vrai que nous, on a un groupe de discussion avec Pierre et toi. Et je me souviens. Pierre Lapin, bien sûr. Avec Pierre Lapin, évidemment. Et quand t'as commencé à dire j'ai de la fièvre quand même et tout, on était là, ouais, mais faut pas stresser. En cette période de crise, on a vite l'impression qu'on est malade et des fois c'est juste. Tu sais, la grippe est de saison, quoi qu'il arrive, la grippe normale. Bon, clairement, t'avais le Covid. Voilà. J'étais atteint du Covid. Ma meuf faut a eu. Voilà, faut le dire, au bout d'un moment. on essaie de se rassurer. Très vite, c'est le Covid qui s'impose. Hein. Bah ouais, obligatoire. Ouais, non, mais ouais, ma meuf l'a eu aussi. Elle a eu 3 jours de fièvre. Et moi c'était un peu plus compliqué parce que moi j'étais asthmatique quand j'étais enfant. Ouais. Donc ça s'est fait un peu plus ressentir sur le système respiratoire, rien de grave mais une petite gêne, un petit sifflement. Donc j'ai pris de la Ventoline, ce que je n'avais pas fait depuis mon enfance. Ouais, est-ce que c'est une Madeleine de Proust ou juste un truc relou? Une Madeleine de Proust, bah, dans le genre absolument pas agréable, oui. C'est une Madeleine, mais très périmée, vraiment, depuis très longtemps. Et trempée dans une flaque d'eau. C'est une boulette de merde de Proust. Ouais, c'est ça. Petite capsule de cyanure de Proust, sympathique. Non, mais oui, j'ai pris, je sais pas, genre 2-3 fois de la Ventoline. Voilà, non, mais c'était pas très agréable. Mais voilà, et puis, a priori, en plus, je suis immunisé maintenant. Donc alors ouais c'est ça. Alors moi je t'avoue, au début j'étais genre bon on va quand même suivre ce qui se passe. Et moi ça y est je mets en place une technique intitulée la technique de l'autruche, tout bonnement, à savoir ne pas regarder la télé et avoir ban le mot ouais. Covid de Twitter. Ce qui fait ouais, que j'ai pas beaucoup. Je me suis renseigné là un peu avant d'enregistrer. Pas ouf, mais je me protège comme je peux quand même. Ouais. J'ai l'impression qu'on a tous des périodes, on oscille. En fait, comment dire, on passe d'une phase à l'autre. Je sais que bah, moi, au tout début, et surtout au tout début où j'étais infecté, je me renseignais, enfin ma meuf et moi, on se renseignait beaucoup sur ce à quoi on pouvait s'attendre, disons. Et c'est vrai que au bout d'un moment, j'ai moi-même les réseaux sociaux, j'arrêtais quoi, parce que c'était en fait évidemment, c'est bien normal, mais les gens ne parlent que de ça. Ouais. Et y a aussi un phénomène où même quand ils parlent d'autre chose, tu vois, c'est par exemple, ils prennent une photo d'un plat qu'ils sont en train de faire, ils disent ah bah pendant le confinement on continue de faire à bouffer, et tu vois, t'es obligé de parler du confinement même si ça a rien à voir. Ouais, et donc il y a un truc où genre au bout d'un moment toi tu dis je suis atteint par la maladie, je serais ravi d'entendre parler d'autre chose, mais bon, je vais pas, tu vois, c'est comme ça, les gens ont besoin d'en parler. Donc les réseaux sociaux c'était assez chiant, surtout qu'il y avait un genre sur Facebook, un peu un concours de la personne qui connaissait quelqu'un qui était médecin et qui avait qui a connu le plus jeune mort de France à chaque fois. Et donc tu sais, parce qu'au début on te dit non mais ça touche que les vieux, enfin tu vois, je veux dire ça, c'est dangereux que pour les vieux. Donc, oui, ça ne tue pas plus qu'une grippe saisonnière. Voilà, pas plus. On te dit bon, c'est si t'as plus de 60 ans c'est dangereux, mais sinon ça va. Donc tu te dis ok, je suis tranquille. Et tous les jours, t'as quelqu'un qui dit mon cousin est infirmier, il y a un mec de 50 ans qui est mort. Donc tu dis ah, ça devient un peu chaud. Et après, le lendemain, alors moi, 45 ans, tu fais, ça se rapproche très vite de mon âge. Et au bout d'un moment, tu dis bon, bah, je vais arrêter de lire ce que disent les gens sur les réseaux sociaux parce que c'est assez anxiogène, quoi. Et c'est vrai que maintenant, je suis revenu, maintenant que je suis plus atteint. Ouais. Désolé, il y a que moi qui parle, hein, mais voilà. Bah, attends, regarde. En même temps, j'ai fait une émission tout seul la semaine dernière, donc il y a un peu plus d'une semaine, donc c'est bien normal. Non, mais oui, je rattrape un peu le voilà. Et puis, t'as un truc à raconter. moi, ça va être très rapide. Hein, donc, j'ai eu un jambon qui est pas très bien passé, mais c'est le grand max, quoi. Ou vois, une c'est... bonne chiasse, quoi. Une bonne chiasse de confinement, quoi. Et en même temps. C'est ce qu'on se disait, je fais une parenthèse, mais avec ma meuf, parce que bah, on vit sur la bouffe, on vit un peu sur les réserves et on rechigne un peu plus à jeter des trucs sur lesquels on a des doutes sur la tête de péremption. Et en même temps, on se disait, qu'est-ce qu'on a de mieux à faire de toute façon que d'avoir la chiasse? On n'a pas le droit de sortir, donc au pire, on a la chiasse, on n'a rien de mieux à faire, donc mangeons-le, quoi. Est-ce qu'on peut pas dire que c'est le meilleur moment pour avoir la chiasse? C'est peut-être le meilleur moment de l'année pour avoir la chiasse, je pense. C'est absolument vrai. Et oui, et donc pour finir, maintenant que je suis sorti de la maladie, c'est vrai que je retourne sur les réseaux sociaux un peu, enfin j'y retourne. Ouais. Mais je lis pas trop les infos. Oui, non, mais en fait le truc c'est que les infos, il y a toujours un filtre en fait où si elles sont vraiment importantes, elles finissent toujours par arriver jusqu'à toi parce qu'il y a un proche ou quelqu'un qui va te la relayer. Donc ouais. Je me dis, j'ai pas besoin de, c'est peut-être, en tout cas, je me dis, j'ai pas besoin de moi lire toutes les infos, y compris celles qui sont pas pertinentes, etc. Je me dis, les infos importantes, elles finiront bien par m'arriver, et voilà quoi. Ouais, je suis un peu pareil. Et puis moi, surtout, je suis un truc de, je pense que ma meilleure façon pour moi, et je parle vraiment que pour moi, de bien gérer le truc, c'est de pas trop voir ce qui va se passer. Par exemple, moi, je sais que les dates de confinement. Enfin, tu vois, je fais des réunions d'écriture avec des potes qui, eux, sont beaucoup plus au taquet et disent « Non, ouais. Mais là, apparemment, ça va être replongé jusqu'à nanana, tu sais, alors qu'il n'y a rien d'officiel encore. » Et c'est vrai que moi, j'ai tendance à dire « Mais je vais attendre que ce soit officiel parce que je sais très bien que ça ne va pas se finir aux dates à chaque fois qu'ils sont dites. » Mais tu sais, il y a des gens qui disent « Apparemment, là, c'est jusqu'à fin juin. » Tu vois, bon, et peut-être, mais toujours est-il que moi, j'aime bien dire « Oh, je vais voir au jour le jour, sinon c'est compliqué pour mon cerveau d'assimiler tout ça. » Oui, c'est clair. Non, puis il y a un truc aussi, c'est tout le monde... Tout le monde, même les gens proches de moi et tout le monde a envie d'être la personne qui fournit des infos, tu vois. Même si c'est a priori de la merde comme info, c'est-à-dire que même des gens que j'aime beaucoup m'ont vraiment dit n'importe quoi sur les dates de confinement, sur ce qui allait se passer, etc. Et à chaque fois, de sources sûres, soi-disant, tout le monde connaissait quelqu'un au gouvernement, d'un coup. Tout le monde et voilà, et du coup c'est vrai que je prête plus trop d'attention à ce que disent les gens, j'attends les déclarations officielles et voilà quoi. Alors j'ai une question, est-ce que tu laisses parler les gens et même quand je leur dis on s'en fout. Ah tu leur dis on s'en fout. On s'en fout. Comme Jocelyn Labille et Sheila, tout simplement. Absolument. Ok, d'accord, absolument. Très bien. Alors ça plaît pas à tout le monde hein, parce que non, c'est... Non, bah... C'est, voilà, ça leur renvoie un peu dans la face leur bavardage, mais on s'en fout, tu vois. Non, mais en plus, on va quand même pas, on va pas en vouloir à un dealer de zouk, de toute façon. Non, bah non. On va quand même. Et il faut bien que les dealers de zouk, faut qu'ils continuent à taffer. Hein, et ils dealent du zouk de chez eux en télétravail. Ils font des lives où ils dealent du zouk. À 17h sur mon Insta, je deal du zouk sur mon compte. Ça manque de live à 17h d'ailleurs. Si vous êtes créateur, n'hésitez pas à faire des lives sur Insta. Ouais, c'est vrai ça. Où vous invitez des gens pour parler et tout. Ça manque un peu. Beaucoup de gros plans de nez avec regarder le bas de l'écran. beaucoup de. Enfin, je dis ça, j'en ai fait aussi, attention. Hein. Mais ouais, bien sûr. Beaucoup. Attends, on peut. On rigole. Nous, on est le poil à gratter du web. Hein. Donc, si on peut pas faire des blagues, moi, je coupe l'enregistrement tout de suite là. C'est un bouton. Ah, toi, manquerait plus que Macron il nous dise ça là dans son allocution, plus le droit de rigoler. Ah bah alors là je crois pas. Non. Ah ouais. Ah bah moi je descends dans la rue, tu vois. Ah ouais. D'ailleurs, en bas de chez moi, il y a Descends pas. Ne descends pas. Ah bah si, parce que plus rien n'a d'importance. Plus rien. La parole de Macron n'a plus aucune importance. Donc s'il me dit de rester à la maison, ok. S'il me dit rester à la maison et ne rigoler plus, je descends. Bon, putain, et je rigole. C'est ça le pire. En parlant de Macron, en bas de chez moi, il y a un graffiti, il y a marqué « Le pire virus, c'est l'État ». J'ai adoré, évidemment. Ah bah, je pense que c'est mon personnage en noir et blanc là, d'Insta qui l'a... Tu sais, j'ai pété un câble, la nuit, je suis allé graffer ça. Puis malheureusement, le gouvernement, j'ai l'impression que t'as beau tousser dans ton coude, t'as beau mettre des masques, c'est plutôt des œillères qu'il faut mettre, comme eux. Ouais, je crois bien, ouais. J'ai bien l'impression. Le patient zéro, c'est Macron. Patient zéro du mensonge, l'épidémie de mensonge. Le patient zéro, c'est qui? C'est Trump peut-être, mais Macron quand même. Trump quand même, mais Macron. Mais Macron. C'est Macronique en télétravail sur France Inter, j'espère que... Oh, Macronique et Macron, c'est fou, personne n'a fait ça. La Macronique. La Macronique. T'es Macron. Mais c'est quoi Macronique? Non, mais Macronique! Ah oui! C'est genre, oh là là. C'est Macronique, mais t'écris ça Macron-ic. Oh là là! Et les francs Macron, quelqu'un l'a fait ou pas? Je sais pas, mais hey. Parce qu'il est pas très franc, justement. Il ment. Oh! Alors, si vous êtes graphiste, c'est en ce moment, c'est maintenant sur les réseaux sociaux, vous nous faites ça, c'est la moindre des choses. D'ailleurs, aussi, je voulais dire en parlant de graffiti. Et il faut qu'il y ait écrit franc Macron, point d'interrogation, point de suspension? Je crois pas. Oui, il faut je crois pas. S'il y a pas je crois pas, on le lit pas. S'il y a pas je crois pas, on le lit pas. Oui, faut je disais que ce en soit parlant un peu de graphe. Si on parle de graphe, si vous êtes à Paris, il y avait beaucoup de Jésus sauve, bah pas tant au final. Ouais. Si tu regardes bien, bof. Moi, j'attends vraiment que Mercure ne soit plus en rétrograde pour que ce virus s'en aille enfin, tu vois. Oui, qu'on soit plus en super lune. Ouais, voilà, parce que là merci Mercure, mais allez, c'est bon là. Rétrograde, merci quoi. Si ça a fait une pandémie. Oui, vas-y. Non. Mais pour revenir au fait que tu sois malade, moi, ça m'a quand même fait relativiser. Parce que toi, t'es vraiment tombé malade. Mais au début, à un moment, j'ai cru que c'était toi le patient zéro. Vraiment. J'ai été un early adopter de la maladie. Il y a ça pour les iPhones. Moi, c'est pour les maladies. Dès qu'on l'annonce, je l'ai direct. Donc, ah mais oui, mais les véganes aussi là, manger un peu de viande là aussi, ouais. vous êtes pas résistants les mecs. Ah ouais, bah c'est ça qui a causé la pandémie, de manger de la viande, mon pote. Putain, là, notre terre, notre pauvre terre. Et je voulais savoir, du coup, oui, moi quand j'ai su que t'étais malade, bon, ça m'a fait relativiser l'ennui, parce que c'était un peu le grand sujet de tout le monde, de dire oh, on se fait chier, on s'ennuie, c'est ouais. Une catastrophe. Sachant que du coup, moi à chaque fois je me dis, enfin moi il y a eu toi, mais j'ai aussi eu d'autres potes qui sont tombés malades. Donc c'est vrai que ça te fait un peu relativiser l'ennui, tu te dis oui, mais c'est vraiment pire quand t'as de la fièvre et que tes journées passent très lentement dans un lit quoi. C'est aussi une des raisons pour lesquelles je m'éloignais un peu des réseaux sociaux, c'est tous les gens qui se plaignaient, surtout que ça faisait genre 3 jours qu'on était en confinement, et les gens étaient au bout de leur vie, dire non mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire. J'étais genre, j'ai le Covid, donc calme-toi, j'ai 39 de fièvre, j'ai fait un malaise cette nuit en allant prendre ma température, donc calme-toi. Si tu t'ennuies au bout de 3 jours, pose-toi des questions. Oui. J'ai eu le Covid à l'arrière de ta bagnole, un sticker. J'ai eu le Covid, calme-toi. Calme-toi. Ouais, c'est ça. Mais du coup, ça m'a un peu fait relativiser. Après, moi, ça m'a un peu. Enfin, il y a eu beaucoup de questions parce que j'ai fait un tweet qui disait voilà, si vous avez des questions, évidemment, J'avais pas spécialement prévu que ce soit que des questions qui parlent de ce qui se passe en ce moment. Alors, j'ai vu d'ailleurs que t'avais répondu. Il y a des tweets passés, des tweets qui passaient qui disent oh, on pourrait pas parler d'autre chose. Bon, en même temps, c'est quand même très présent dans l'actualité. Et secondo, on fait vraiment ce qu'on veut. C'est vraiment, oui, voilà. C'est vraiment fou. Et non, mais par contre, je trouve ça intéressant de. Il y a eu beaucoup de questions assez intéressantes, par exemple par rapport au métier d'auteur ou en tout cas des métiers créatifs. J'ai l'impression qu'il y a un fantasme, un truc de « bon bah maintenant que vous sortez plus de chez vous, ah bon alors là on peut créer des choses ». Et c'est marrant parce que, alors je l'ai vu passer en article aussi, hein, mais c'est un truc sur lequel j'arrivais pas à mettre le doigt dessus et j'ai lu un article, c'était exactement ça. Je trouve que ça met un peu une pression de ouf quand même, de dire ouais. « ah bah là faut en profiter pour créer là ». Ouais ouais ouais, c'est clair, et puis j'ai vu passer des trucs aussi du genre… quand il était enfermé chez lui à cause de la quarantaine, Victor Hugo a écrit je sais plus quoi parce que je m'en branle les livres. Non mais une de ses œuvres majeures quoi. Bien et sûr. Genre, bah, oui bah c'est cool pour lui, mais en même temps quand il était pas en quarantaine, il a aussi écrit plein de livres, donc laissez-nous tranquille quoi. On a le droit de faire ce qu'on veut quand on veut et calmos quoi. Oui, c'est vrai que. Oui, vas-y, pardon. Non, mais c'est parce qu'en plus, il y a un autre truc. Alors, moi, pour le coup, je travaille beaucoup en ce moment parce que, autant les auteurs, effectivement, on a du travail, autant je pense que pour les producteurs ou pour. Moi, j'écris beaucoup pour des comédiens. Eux, ils ont une activité vraiment professionnelle qui a sauté, à savoir organiser des tournages, c'était ouais. Comme ça. Donc, du coup, ils veulent développer des projets pour ce qu'il y a après. Moi, je n'ai jamais autant travaillé de ma vie. Je fais vraiment du lundi au samedi. Je me lève à 8h30 et j'arrête de travailler à 20h. Et. Ah ouais. Je suis content hein, là, ça va, mais bah, c'est pas bien, ça hein. Qui me rend heureux, c'est ça fait passer les journées, ça crée un autre souci qui est assez intéressant, à savoir bah enfin intéressant, je sais pas, intéressant pour les autres peut-être, mais c'est que bah du coup je suis pas tant avec ma meuf, ce qui fait que ma meuf vit un peu son confinement toute seule et ça a été un peu un souci. Il a fallu quand même que j'aménage des horaires parce que bah tu vois, moi mes journées passent très vite mais pas forcément les siennes quoi, tu vois, donc ça peut être un peu ouais. Compliqué à vivre pour elle. Et ouais, j'ai jamais autant travaillé de ma vie parce que les gens demandent. Mais en termes de. En fait, ce qui m'a aidé, c'est que c'était des projets qui étaient déjà lancés. C'était des trucs qu'il faut. J'avais déjà des deadlines et c'est juste que maintenant, les deadlines se sont rapprochés. Donc, je suis obligé d'être créatif à cause des deadlines. Par contre, en idée originale, à savoir me poser, avoir des idées, ce que je peux faire le dimanche, par exemple, j'ai que dalle, quoi. Donc, ouais. Peut-être parce que je suis rincé, mais aussi parce que je sais que je suis quelqu'un qui a besoin de sortir pour s'aérer, qui a besoin de voir des choses, qui a besoin de ouais, enfin, rester enfermé. De te nourrir un peu, quoi. Fin... Exactement, de vivre, en fait, d'être et un peu oisif. Et puis de se reposer aussi, quoi. Enfin, genre, si t'es dedans tout le temps, tu peux tourner en circuit fermé rapidement, quoi. Et la créativité, moi, je trouve que c'est un peu quand même du hasard. C'est pas forcément... Enfin, tu peux aider pour que ça arrive, mais c'est un peu des fois une muse qui te touche le bout du nez, quoi. Il y a un truc de... Tu peux vraiment avoir 3-4 jours, surtout dans un truc assez anxiogène et oppressant, à savoir une pandémie mondiale. C'est normal, en fait, que t'aies pas tout de suite envie d'avoir... Enfin, que t'aies pas tout de suite des idées géniales ou, tu vois, c'est normal que t'aies le syndrome de la feuille blanche, je pense. C'est assez obligatoire, j'ai l'impression. Ouais, ouais, bah c'est clair. Après, ça dépend. Enfin, tous les gens ne réagissent pas de la même manière. Mais... Enfin... Moi, par exemple, sur la saison 1 de Groom, j'avais... Enfin, c'est pour faire un parallèle. Moi, j'avais vécu la mort de ma mère ouais. pendant l'écriture. Et c'est vrai que ben, me mettre à fond dans le taf, ça m'avait permis de penser à autre chose. Donc, dans ce cas-là, c'était, ça m'avait aidé de bosser, quoi. Mais, ouais. Bon, après, il y a toujours un moment où ça te retombe dessus, de toute façon. Oui, oui, bien sûr. Non, mais en fait, c'était juste par rapport à une espèce de truc global où j'avais l'impression que de... Allez, il faut en profiter. Mais même, oui, bien sûr. Genre, mais justement, même mater des dire... films, des fois, c'est la flemme de mater un film, quoi, tu vois. Ouais, ouais, mais c'est ce que j'allais dire, c'est que moi, c'était un truc très personnel. Donc, c'était moi, avec moi-même, qui gérais le truc comme je voulais. Mais là, c'est vraiment un truc mondial. Attends, je vais juste vérifier que mon enregistrement. Oui, c'est bon. Là, c'est vraiment un truc mondial qui touche tout le monde, qui est un peu envahissant. Et c'est pas du tout le même genre de pression, quoi. C'est ça. Et où, avec une espèce d'incertitude de l'avenir. Enfin, pas en mode dark, ça va être la fin du monde, mais juste de pas trop savoir ce qui va se passer dans une semaine. Ça peut bloquer un peu la créativité, quoi. Enfin, c'est un. Ouais. Et je parle de la créativité, mais je parle de toute activité. Même les gens qui se mettent au sport, je trouve ça trop bien. Moi, je fais partie de ces gens-là. Mais c'est normal de pas avoir envie. Enfin, tu vois, tu sors pas, de pas avoir envie de faire du sport chez soi et tout. Ouais. Faut pas se culpabiliser trop parce que d'un coup, il y a plein de gens qui ont réussi à se motiver. C'est pas grave, quoi. Enfin, il y a pas oui, de. Je pense pas qu'il y ait de galère à ce niveau-là, quoi. Puis c'est vrai que on a déjà des contraintes assez difficiles, quoi, qui sont de, bah, en gros, ne pas sortir, ne pas voir les gens qu'on aime, etc. Vraiment, la dernière chose dont on a besoin, c'est d'autres des injonctions en plus, genre faites ci, faites ça, etc. Calmos, quoi, tu vois, genre on est déjà enfermé chez nous, peut-être arrêter de dire aux gens en plus ce qu'ils doivent faire, quoi, tu vois. Sous couvert de on va vous motiver, en fait, c'est, enfin, il y a un truc un peu, je sais pas, un peu malsain de vouloir dire aux gens ce qu'ils doivent faire et tout. En plus, enfin, ça, en fait, c'est ce qui est un peu malsain, en plus, je trouve, c'est que c'est jamais fait, j'ai l'impression, hein, que c'est jamais fait de, enfin, genre, faut que tu fasses quelque chose. Ça se veut bienveillant, j'ai l'impression, mais oui, du mais... coup, ça peut quand même mettre une pression, quoi. Ouais, je suis d'accord. Après, de toute façon, là, je pense qu'en termes de créativité, je pense que t'as la moitié des auteurs de Paris qui planchent sur des films qui se passent pendant un confinement, je pense. Ouais. Je pense que là, t'as des petits films, t'as deux, trois comédies. D'ailleurs, tout le monde a eu... J'ai vu beaucoup passer la blague sur Twitter sur la comédie où, un beau-père raciste se retrouve avec son gendre, d'une autre ethnie, enfin, d'une autre, comment dire, d'une autre origine dans son appartement confiné. J'ai vu aussi passer un Tinder, je trouvais ça pas mal, à savoir, deux dates Tinder qui sont bloqués en confinement. Ils ne se connaissent pas beaucoup et vont devoir vivre un confinement ensemble. Ouais, moi, j'avais noté une idée que j'ai pas vu passer sur Twitter et je l'ai dit ici. Si jamais elle arrive, comme ça, vous pouvez dire oh là là, ils ont plagié Florent. Mais pour moi, c'est plus un film d'auteur, truc un peu potentiellement Louis Garrel serait super. J'en ai une après aussi, moi. Ah, pas mal. Moi, l'idée que j'ai, c'est un couple parisien, mais vraiment dans le cliché. Enfin, tu vois, pour moi, c'est Louis Garrel et Lily Rose Depp, tu vois. Parce que je dis ça parce que j'ai vu leur film très cool d'ailleurs qui s'appelle putain, j'ai oublié le titre. Quel enfer. Avec Laetitia Casta aussi. L'homme fidèle. Tiger King. Tiger King avec Louis Garrel. autre idée à développer. L'empereur des tigres. Et moi, mon idée de comédie, mais un peu auteur, c'est Louis Garrel et Lily Rose Depp sont un couple libre, tu vois. Ouais. Et donc, ils vont voir ailleurs et c'est admis. Et là, avec le confinement, ils doivent être H24 l'un avec l'autre et ne peuvent pas aller voir ailleurs. Et donc, après, je ne sais pas où ça va. Soit on fait un film très du coup ils s'aiment et machin, soit ils s'entretuent, voilà. Après, le film peut aller vers l'un ou vers l'autre. J'ai l'impression que c'est un film qui peut être produit après le confinement, voilà. Je dépose l'idée là, n'hésitez pas à vous servir. Alors, ce que tu viens de la façon dont tu l'as pitché, ça m'a fait dire que il y aurait moyen de faire, tu sais, il y avait eu un film, je crois que c'est dans les années 90, enfin, même c'était deux films, il y avait Smoking No Smoking, je crois, où en fait c'était deux temporalités différentes. Tu sais, il y avait un truc comme ça. Enfin, conneries. C'est même deux films, je crois, Smoking. Ouais, c'est ça, c'est deux films. Ouais, c'est ça. Et en fait, je crois que c'est le même début. Et en fait, il y a un point dans la narration. Et ensuite, l'histoire, les deux histoires divergent. Et t'as les deux temporalités, en fait. Enfin, c'est plus deux réalités, en fait. S'il avait fait ceci ou s'il avait fait cela, je sais plus quoi exactement. Et je me dis que ça peut être aussi c'est l'occasion de faire un film. Enfin, deux films comme ça, du coup. Le couple, soit ça les renforce, soit ça les brise, et on peut voir les deux versions, quoi, tu vois. Oui, ça c'est très bien. Oui. Ah là là, putain, on le fait, c'est pas mal. Tu peux aussi faire, mais c'est plus peut-être un film d'horreur, mais un truc sur House Party, tu vois. Un épisode de Modern Family qui était comme ça, où tout était dans l'écran d'ordinateur. Et tu vois, c'est un truc à la House Party, mais d'un coup, tu vois les drames, les amitiés qui se brisent, les couples qui se... Tu vois, et tu fais un truc peu vaudevillesque, mais via des FaceTime. Ça peut être aussi pas mal. Là, ce que t'es en train de dire, ça veut dire que le film, il peut être tourné pendant le confinement. Oh là là, peut-être ils le font déjà. Franchement, ça m'étonnerait pas, hein, franchement. Mais en vrai, non, mais tu vois, un court métrage, parce que se taper tout le film sur un écran d'ordi, c'est bon. Mais ça existe, hein, tu sais, ils ont fait un truc sur Facebook. Ah ouais, c'est de la merde. Non, tu l'as pas vu, enfin. Je l'ai absolument pas vu. Et donc, toi, quelle est ton idée de film? Alors, moi, c'est moins un film d'auteur. Moi, je suis resté dans un domaine dans lequel j'ai fait mes armes, qui est le film de Christian Clavier, bien sûr. Qui est le film de rap. Ah non. Okay. Film de Christian Clavier, bon, ça, je pense j'en ai vu passer, évidemment. Le beau-père raciste, etc. Mais moi, c'était. En vrai, moi, je suis parti du titre pour trouver le pitch. Et c'était que, en gros, Christian Clavier, c'est un médecin qui est à la retraite ou alors en passe de passer à la retraite. Et il se retrouve confiné avec des migrants. Et en gros, il est un peu évidemment de droite et tout ça. Et du coup, il veut pas. Il cache qu'il est médecin parce qu'il veut pas. Il a pas envie de soigner tout le monde et tout, tu vois, etc. Et finalement, évidemment, il va se faire griller. Et puis, bah, il va être obligé de se rapprocher de ces gens-là, de les soigner. Et évidemment, dans le processus de soigner les gens, il va se soigner lui-même, quoi. Il va soigner son âme. Et le titre s'appelle Je m'en lave les mains. Oh oui. Voilà. Alors, parce qu'il pourrait le dire, tu vois. Sa femme, elle pourrait, parce qu'il est pas avec sa femme, tu vois. Et elle lui parle au téléphone. Elle lui dit, mais quand même, c'est des pauvres gens. Il dit, non, mais je m'en lave les mains. Et hop là. C'est le titre du film. Pourquoi Oui, c'est la fin de la bonne annonce. Oui. Alors, si on en est à partir du titre, j'en ai un petit pour toi. Oui. Imagine, alors c'est une meuf de 15 ans, tu vois, qui pense qu'elle est hétérosexuelle. Enfin, elle est jeune, tu vois, donc elle se dit, son éducation fait qu'elle est hétéronormée, dirons. Ouais. Et un jour, elle rencontre une jeune fille et ça la trouble un peu, tu vois. C'est une fille qui a les cheveux bleus et qui revient de Wuhan. Mec. Et qui tousse un peu. Ah, ok. Ouais. Et alors, bon, c'est une idée de titre comme ça, hein. C'était la Covid Adèle. Oui, elle est bien. C'est bien. C'est bon. Je sais que t'aimes bien les films qui baisent ensemble. Je me suis dit, les films qui baisent avec des pandémies mondiales. Oui. Il y a pas beaucoup d'exemples, hein, mais. Ça. Tu m'as peut-être donné une idée pour mon live. D'ailleurs, il sort quand cet épisode-là, a priori? Cet épisode, je pense qu'il sort lundi, hein. Il sort lundi. Parce que je pense que je vais faire mon live lundi. À 17h. Ah, oh là là, donc si vous écoutez ce podcast, tu le fais en fin d'après-midi, tu penses? Je pense à 17h. Oh là là, si vous écoutez ce podcast en journée, à 17h, il y a Adrien qui fera un live, ou peut-être pas. Ça, vous peut-être verrez, pas, mais, y a quand mais même de toute chances. Façon, je l'annoncerai. Et, ouais, voilà, vous allez sur l'Instagram d'Adrien, ou au pire, de toute façon, si, tu vas le laisser en replay, ou non, tu sais peut-être pas encore. Je sais pas encore, ouais. J'avoue que là, déjà, si j'arrive à faire le live, je serai déjà très content. Mais tu bosses beaucoup dessus, là, moi j'ai vu, tu m'as envoyé des captures, ça va être fumé. Ouais, ouais, j'ai tout préparé. Là, il y a le seul truc, c'est qu'il faut que mon ordi. Parce que mon ordi est un peu vieux. J'espère qu'il va tenir le coup. J'espère aussi. Parce que j'ai jamais fait de live, donc j'espère que je vais pas juste faire. Allez, on lance le live et rien ne se passe. Ce qui est possible. Parce que j'ai peut-être oublié des réglages que je ne connais pas ou un truc comme ça. Mais ouais. Non, là, ouais, j'ai tout préparé. Je me suis même. Ça, c'était cool. Parce que moi, l'astuce que j'ai trouvée pour ne pas avoir cette injonction à créer, c'est que je n'ai aucun travail. Donc ça m'aide vachement à me libérer de ça. Mais non, mais du coup cette idée de faire un live, ça m'a donné un petit projet à la con, enfin dans lequel je me suis quand même bien investi, et puis ça m'a vraiment fait marrer de préparer ça. Mais du coup, sachant qu'à la base c'était pour le jeu de McFly et Carlito, et vu que ça a été très court, vu qu'ils avaient un milliard d'invités, tu le gardes pour ton live. Voilà, bah je vais faire j'ai réécrit des nouveaux trucs aussi, il y aura d'autres jeux, il y aura des films qui baisent ensemble en plus de ceux que j'avais préparés, enfin yeah. J'ai fait un truc voilà, j'ai envie de voilà, c'est et ça. Guillaume Canet sera présent aussi bien sûr. Oui, parce qu'il avait adoré, je crois, et que c'est pour était, ça. Il m'a vraiment je l'ai bloqué parce qu'il me harcelait de messages genre mec, j'ai adoré. Meilleure expérience vidéoludique de ma vie, et pourtant j'ai la PS4. Il m'a dit j'ai Animal Crossing. Ouais. Moi j'ai vu, t'es mieux que Red Dead, a-t-il écrit, ouais. Ce qui est quand même pas rien. Il a dit j'ai désinstallé Red Dead dans l'espoir de faire de la place dans ma vie pour ce jeu. Non mais bon, non mais c'est il a on vanne, mais voilà, il a ça captait clairement... de la merde, hein, surtout. Il a enfin, ça captait pas bien de son côté, tu sentais qu'il y avait un écho dégueu. Enfin, je sais pas toi si tu l'avais, moi j'avais un écho dégueulasse de mon côté. Je pense qu'il captait moyen. Oui, et puis des fois il a pas accroché au jeu, ça arrive, hein. Je pense qu'il y a plein de gens qui. Et puis je pense que David et Raph ont préparé plein de choses, mais je sais pas s'ils ont vraiment prévenu exactement comment ça allait se passer. Oui, ils lui ont peut-être dit on va faire un jeu sur le cinéma, mais je pense que ça s'est arrêté là, je pense. Ouais, parce que c'est quand même assez particulier comme jeu. Si tu te retrouves au pied du mur, il nous connaît pas. Enfin, tu vois, il y a un truc un peu de voilà. Bah après, il nous a quand même dit qu'on irait boire un verre ensemble, ça n'arrivera jamais. Putain, moi dans mon petit confinement, alors si vous me suivez sur Instagram, j'en parle un peu trop, mais parce que j'ai besoin de l'extérioriser. Juste, tu viens de me donner une idée, parodie de comportement de Aya Nakamura, mais avec confinement. Oh là là, confinement bah ouais. Confinement bah ouais, je suis dans mon confinement bah ouais. Faites-le les gars, c'est trop marrant. Tu sais que j'ai fait une chanson qu'on écoutera tout à l'heure sur le confinement, donc moi je vanne pas, je vanne plus parce que en fait je fais partie de cette mouvance là. Mais je bien sûr, non cette... mais je fais partie de cette mouvance. Et on finit toujours par devenir ce qu'on critique. C'est ça. Si vous saviez ce que je pensais des imitations à une époque, et regardez-moi aujourd'hui, un cochon dans son auge. Je me vautre dans l'imitation. Au Bataclan. dans une grande salle. D'ailleurs, merci. Putain, oui, on n'a pas fait d'émission toi et moi depuis le Bataclan. C'est vrai. Et c'est vrai que le lendemain, non, le surlendemain, ça s'est joué à 3 jours. Hein, personne ne m'a dit qu'ils avaient chopé le coronavirus après, donc ça m'a quand même rassuré. À part moi, ouais. Oui, par rapport à ça, tu veux dire. Oui, je veux dire, on n'a pas été un incubateur de maladies. C'est ça que je veux non, dire. Non, parce on a que pas, parce qu'a priori, je l'avais au moment du Bataclan, quoi. Enfin, j'étais. Tu étais censé l'avoir. C'était en incubation, quoi. Donc, ouais. Ou alors je l'ai chopé là-bas. Mais. Ouais. Oui, mais en même temps, c'est là où les gestes barrières et les trucs, c'est quand même important. Tu étais un des premiers à ne pas serrer la main. Enfin, en tout cas, au Bataclan, tu nous as serré la main de personne. T'as fait avec le coude et tout. Et j'ai fait moitié-moitié, pour être honnête. Ah bah moi tu m'as tout fait avec le coude et je te remercie parce que j'aurais peut-être chopé une maladie et j'aurais détesté. J'ai fait la bise à d'autres gens, j'avoue. Aïe. Mais ils sont tous malades. Mais après ils sont même morts. J'ai la mort de 3 personnes sur la conscience. Je vous le dis. Dont quelqu'un de connu dans le monde du spectacle. Voilà, bon c'est ça qui est un peu dommage. Mais comme il vit seul, personne ne le sait encore. Ça va sortir. Il est en train bientôt. De. J'arrête. Ça devenait très glauque la direction de cette blague. Donc. Surtout que moi, là-bas, je voulais parler d'un truc un peu plus léger. C'est à savoir oui. Que moi, je me la pétais un peu. À dire écoute, moi, le confinement, ça se passe bien. Franchement, ça va. Je suis content. Avec ma meuf, on s'engueule pas. Je rejoue aux jeux vidéo le soir. En fait, il y a un truc aussi, c'est que je me lève tôt. Mais je me couche quand même tard et je suis pas fatigué en journée. Le fait de pas sortir et de rester chez soi fait que j'ai moins besoin d'heures de sommeil, j'ai l'impression. Oui. Et c'est là où le karma, je pense, en tout cas, où la bonne fée de l'ego a dit « calme-toi, ferme ta gueule » et a rajouté des travaux mitoyens à mon mur qui ont lieu toute la journée de 8h à 19h. Alors, j'ai joint la police par chat parce que la police a lancé un chat parce que j'ai un peu honte d'appeler les flics pour ça. Et là, la police, par chat, m'a envoyé ce message un peu agaçant quand même, puisqu'ils m'ont dit, bah écoutez, si les travaux étaient prévus, en gros, ils sont dans leur bon droit. Et là où je les ai trouvés un petit peu coquins, c'est quand ils ont terminé leur message par, si vraiment il n'y a pas... Enfin, ils m'ont dit, allez les voir pour vous mettre d'accord, ce que j'ai fait. Enfin, je suis allé les voir pour leur expliquer et tout, et évidemment, il ne s'est absolument rien passé. Et ce qui s'est passé derrière, c'est qu'ils m'ont envoyé le message suivant, si vraiment il n'y a pas d'entente et de compréhension, vous allez devoir être patient. Bonne journée. Démerde-toi. J'ai pas adoré ce message, je peux vous le dire. C'est la V2 du message. La V1 était, il y a une pandémie, on a autre chose à foutre. Ta gueule. Connard. Ferme ta gueule. Non mais voilà, donc effectivement c'est un tout petit problème, c'est pas ouf, mais c'est vrai que ça rajoute une petite difficulté. Quand ton bureau, quand ta chambre et ton bureau sont collés au mur où il y a des coups de perceuse. Donc moi, en plus, ils m'endorment complètement, hein, puisqu'ils me font oui, non, mais là, ça va pas durer longtemps et tout. Bon, oui, vraiment, enfin, ils t'endorment et ils te réveillent surtout. Oh, joli, putain. Mais oui, bah attends, on reste affûté. Non, t'as rien perdu, hein, c'est ça qui me rassure, c'est que tu n'as rien perdu. Non, mais voilà, donc ça ne joue pas trop sur mon moral. Après, je dis ça, je me suis rasé le crâne il y a 2 jours, donc je sais pas si c'est lié ou pas. Si c'est, moi, j'hésite. T'hésites encore parce que tu m'as quand même dit si tu le fais, je le fais. Clairement. Ah oui, j'ai pas dit ça. Si, t'as dit. T'as pas dit un truc comme ça ? Je crois pas. Je t'ai dit fais-le, mais j'ai pas dit si tu le fais, je le fais. Non, mais tu m'as dit oui, tu m'as dit que t'étais tenté. Et après, ouais, tu m'as moi, dit fais-le. Ça fait un moment, j'avais même fait une story genre est-ce que je me rase le crâne et tout. Je m'étais dégonflé, bien évidemment, car je n'ai aucun courage dans ma vie privée comme professionnelle. Mais, ouais, là, j'y repense un peu, mais je sais pas. En fait, j'ai un peu peur, moi, parce que moi, j'ai un peu la calvitie qui gagne du terrain et je me dis. Je vais trouver ça cool, genre, de me raser le crâne. Et après, la période où ça va commencer à repousser et de voir l'espèce de petit espace à l'avant du crâne repousser de façon très éparse et de voir vraiment très clairement ma calvitie va peut-être pas être un moment agréable. Donc, je sais pas. Et après, ça m'aidera à assumer ma quarantaine qui arrive à grands pas. Que tu vas peut-être même fêter confiné. Enfin, il y a de grandes chances, en vérité. Bah, comme je disais, hein, la quarantaine en quarantaine. Oh là là. Après, des balles. Des beaucoup balles de gens qui viennent. Oui. Non, mais beaucoup de gens confondent quarantaine et confinement, je vois. Beaucoup de gens disent « Ah, je suis en quarantaine ». Non, on est en confinement, c'est pas la même chose. Ouais, quarantaine, c'est beaucoup plus vénère. Quarantaine, tu ne sors pas du tout, du tout, du tout. Et c'est pour les gens qui sont malades ou suspectés d'être malades. Bon, ce qui est le cas de certains, mais oui, pas de tout le monde. Ouais. Sauf les joggeurs, voilà. Sauf... Et en me rasant le crâne, moi, alors je le savais, je ne pensais pas qu'il était aussi visible. J'ai un cheveu incarné de l'espace qui est vraiment d'une douleur. Et en fait, j'avais pris un rendez-vous chez le dermato il y a 3 mois, parce que j'habite à Paris, donc ça met 3 mois et demi pour avoir un rendez-vous. Et là, ça tombe vendredi prochain, et je suis un peu en hésitation, parce que je me dis, bon, bah, je me suis rasé le crâne, donc déjà, j'ai sur une hésitation d'y aller, parce qu'il y a un peu un truc de. Ils m'ont envoyé un mail et tout pour me dire que c'était. Enfin, ils faisaient ça quand même, mais en même temps, j'ai pas d'urgence, et ça me fait chier d'aller voir un médecin alors que j'ai pas d'urgence. Et en même temps, là, je me dis, c'est con, je me suis rasé le crâne, j'ai un cheveu incarné, peut-être c'est le moment de le faire sauter, quoi. Mais il t'a quand même dit qu'il te recevait dans son cabinet. Il m'a dit comment ça se passait, à savoir. Je le dénonce. Dis son nom. On le dénonce en live. Non, il a le droit, il a le droit. Ah ouais. Il a le droit, mais c'est juste qu'il y a des trucs très précis. Il faut y aller avec masque et gants. Il faut y aller à l'horaire pile. Il faut laisser 1 mètre dans la salle d'attente. Mais en vrai, je pense que je vais pas y aller. Enfin, mais j'ai ce truc au crâne que j'aimerais bien. Je me dis, c'est con, autant le faire checker, mais je pense que je vais pas y aller. Toi, est-ce que dans ton petit quotidien, tu as une routine? Ou est-ce qu'il y a des trucs que tu faisais plus, que tu refais? Moi, par exemple, je joue à Red Dead Online, ce que je ne faisais plus du tout. Bah oui, sans m'inviter d'ailleurs, hein, à chaque fois. Oh, je t'en supplie. Depuis que je t'ai dit de le télécharger, j'y ai pas joué, je te le jure sur ma vie. Si. Je te le jure sur ma vie tout de suite. Et en ce moment, c'est pas un petit truc de jurer sur sa vie. Ouais. On verra. Ouais. Si tu crèves du Covid. Tu sauras pourquoi. J'aurais dû t'inviter sur Red Dead, ouais. Non, mais j'y ai pas joué là depuis. Mais je redécouvre ça. Toi, tu refais des trucs que t'avais arrêté ou... Alors, pas vraiment, mais je trouve pas mal de. Comment dire, de réconfort dans les habitudes que j'avais essayé de construire déjà avant le confinement. Bon, déjà, en fait, le truc, c'est que moi, j'ai passé 8 jours au lit. Donc ouais. J'ai évidemment rien fait du tout. Enfin, c'était l'enfer. Enfin, l'enfer. Ouais. Non, il y avait. Non, mais c'était largement pire que moi. Mais je pouvais rien faire, quoi. Même regarder un film, ça me saoulait, quoi. Oui, ça te fait. T'as envie juste de rester couché. Je dormais. Enfin, bon, bref. Mais en gros, moi, je m'étais mis au sport à la maison avant le confinement. Et aussi, je m'étais remis à faire à bouffer. Enfin, je faisais plus souvent à manger, tout ça. Et en fait, je suis content d'avoir commencé à prendre ces habitudes-là avant le confinement. Parce que du coup, je trouve pas mal de réconfort dans ces trucs-là maintenant, quoi. C'est-à-dire que d'avoir une routine le matin je me lève, je me fais un petit déj, je joue à Animal Crossing, ensuite je fais mon sport, je prends ma douche. Déjà ça, il y a un côté genre ça te cadre un peu le début de la journée, ce qui est assez cool. Et le fait de faire à manger une occupation assez cool, surtout dans un contexte comme ça où ça touche à la santé tout ça. De faire à bouffer, qui est un truc qui touche au truc un peu primaire et assez réconfortant, quoi. Donc je fais pas vraiment de trucs nouveaux à part genre préparer un live, mais c'est pas vraiment une routine, c'est une nouvelle activité, quoi. Mais je refais des trucs j'ai refait un peu de programmation. C'est un truc que j'aime bien faire, mais j'ai pas forcément souvent l'occasion de le faire, donc j'en ai refait et c'est moi le geek derrière. Oh bah moi je suis un nerd, attention. non mais ouais, bah justement, en fait, pour préparer le live, il y avait un truc que j'avais envie de mettre en place et je trouvais pas de truc qui le faisait, donc je l'ai fait moi, donc j'étais assez content de faire ça. Et tout ça, ouais, c'est des activités, je suis content de m'y être remis. Mais j'ai pas trouvé justement moi encore la volonté de me mettre à des trucs complètement nouveaux. J'aimerais bien, par exemple, je sais que il y a longtemps j'avais acheté un cours en vidéo pour apprendre le piano, et j'aimerais trop profiter entre guillemets du confinement pour le faire, mais en même temps je trouve pas vraiment la volonté, et en même temps c'est pas grave, quoi, tu vois. Je me dis pas, oh putain, mais je suis vraiment une merde, je pourrais faire ça. Je fais d'autres trucs et tout va bien, quoi. Ouais, moi j'ai le vélo d'appartement que j'avais acheté vraiment avant l'annonce de confinement, parce que je sentais que, enfin, j'avais pas envie de faire bosser des livreurs Amazon pendant le truc. Bon, je l'ai quand même reçu un peu tard. Enfin, ça a mis forcément un peu de temps. Donc, bon, je dis ça et en même temps, voilà. Mais ouais, j'avais commandé un vélo d'appartement. Et vraiment, alors j'ai la place et j'ai un bureau où le stocker. Il est pliable, donc tout va bien. Mais putain, je suis content, ça tient quoi. J'en fais vraiment tous les jours. Et j'arrive à le caler dans mon emploi du temps grâce à cette bonne perceuse qui me réveille à 8h aussi, hein, je pense. Mais ouais. Du coup, j'arrive à en faire avant de commencer la journée. Et ou des fois je termine la journée avec ça, c'est genre mon petit truc avant de retrouver, enfin tu vois, avant de regarder la télé avec ma meuf quoi. Ouais, ouais. Et vraiment le bon kiff quoi, j'arrive à en faire de plus en plus. J'ai du mal à faire toute une séance de sport, mais le petit vélo d'appartement, j'avoue, bon délire. Puisque, d'ailleurs oui, parce qu'on le dit aux gens, on est tous les deux à Paris, on a pas bougé de Paris, on est dans nos appartements respectifs. Voilà. Y a quelqu'un d'ailleurs qui a envoyé un message qui me demandait, parce que j'en parle beaucoup, si je regrettais pas d'être descendu en Bourgogne ou un truc comme ça. Mais outre même la question que de toute façon il n'était pas question de bouger parce que c'était pas bien de le faire. Ça n'avait aucun intérêt de ma part parce que j'ai un grand appartement et tout va bien. C'est que moi en Bourgogne, ok, il y aurait eu un jardin, mais en vrai de vrai, il y a beaucoup de choses que j'ai pas là. Que j'ai à Paris, que j'ai pas en Bourgogne. Donc en fait, redescendre, même si je pensais égoïstement, ça n'avait pas grand intérêt parce que, tu vois, là par exemple, j'ai la fibre et ouais. Du coup, je peux jouer à la console, je peux mater des films en bonne qualité, ça bug pas, Clara et moi pouvons faire des trucs sur internet en même temps et tout. Et bah, en Bourgogne, même si c'est pas non plus l'âge de pierre, bah, tu vois, les temps de chargement sont pas les mêmes, tu peux pas jouer à des trucs, enfin c'est plus compliqué. Donc c'est cool d'avoir un jardin et tout, mais moi, pour comment je voyais mon confinement, je préférais pas avoir de jardin. Et même, tu vois, par exemple, les courses, moi j'ai la chance de vivre à Paris dans un quartier, c'est beaucoup des bureaux. Donc là en ce moment, moi, nous les courses, on les a pas trop, enfin les pénuries de pâtes ou de PQ, on les a pas du tout vécues. Parce qu'en fait, bah, personne vit trop ici, quoi. Alors que je sais que dans ma famille, les supermarchés, c'est vraiment la croix à la bannière, parce que c'est des gens qui font des caddies entiers de courses, quoi. Enfin, moins maintenant peut-être, mais à une époque, c'était vraiment ça, quoi. Il y avait la queue tout le temps pour rentrer dans le supermarché et tout. Bah, moi, je vis pas ça et j'en suis plutôt content, quoi. Donc, ouais. Donc moi, je regrette pas du tout. Non, je suis content d'être à Paris, j'ai de l'espace, j'ai ma copine et tout. Donc, franchement, non, il y a aucun regret, quoi. Vraiment aucun. Ouais. Bah écoute, mais je suis chanceux, enfin tu vois, il y a ça aussi quoi. C'est ah ouais, mais moi j'ai vraiment pleinement conscience d'être totalement privilégié. Enfin genre j'ai un appart que je kiffe avec beaucoup de lumière, j'ai un balcon. Tu as un chien. J'ai un chien. Je vis avec ma meuf. Ouais. Donc je suis pas tout seul et tout. C'est fou ça vraiment... d'ailleurs les amis. Les animaux de compagnie, c'est vraiment... Enfin, là, ils ont pris tous plus 20 points. Ils étaient déjà à très haut de points. Mais moi, je sais que mon chat et tout, je ne me vois pas faire ce confinement sans un animal de compagnie. Là, ça me fait vraiment du bien, quoi. Enfin, genre, il y a vraiment un truc de... Ça occupe, quoi. Il y a vraiment un truc de... Bah, toi, t'as un chien, donc en plus, il faut le sortir et tout. Mais moi, vraiment, je lui parle. Je la regarde faire sa vie. Elle vient me voir. Il y a un vrai truc d'affection qui est vraiment cool, quoi. Ouais, ouais. Après, moi, c'est vrai que... Moi, je pense que je pourrais me passer de la sortie parce que tu sais, on dit souvent ah t'as de la chance, t'as un chien, tu peux sortir et tout. Mais moi, j'avoue que alors les premières sorties, la toute première sortie, parce qu'en fait pendant qu'on était confiné, pendant qu'on était malade avec ma meuf, ouais. On pouvait pas sortir le chien, donc c'est des gens qui la sortaient pour nous quoi. Ouais. Notamment mon frère, big up à mon frère qui énorme passait. Big up. Et en fait du coup nous on est resté 16 jours sans sortir du tout. Et la première sortie du chien que j'ai faite, c'était vraiment badant quoi, c'était vraiment pas une bonne expérience. On ouais. pourrait croire que ça allait être une libération, et en tout cas pour moi et pour ma meuf aussi, parce qu'on a un peu le même tempérament, disons. C'était ouais. vraiment pas du tout une expérience kiffante de sortir, et maintenant ça va mieux, je suis pas en stress et tout ça, mais moi j'avoue que je pense que je m'en passerais si mon chien apprenait à chier dans une litière sur le balcon aussi parce que j'ai un balcon, mais après tu vois, mon balcon par exemple là j'y suis pas allé de la journée du tout, c'est pas comme si je passais mes journées sur le balcon, mais moi je suis quand même quelqu'un qui est assez habitué à rester à la maison. Et du coup, ouais, les sorties, c'est pas forcément le moment que je kiffe le plus dans la journée, quoi. Notamment parce que je passe beaucoup de temps à pester contre les gens qui font de la merde. Genre, aller faire les courses, c'est l'enfer, quoi. C'est-à-dire que les distances de sécurité, tout le monde s'en bat les reins. Ouais. C'est... Moi, je me suis embrouillé. Alors, pas embrouillé parce que la personne a fui, ce qui était assez marrant d'ailleurs. Mais j'ai embrouillé une nana qui a pris un fruit, vraiment à pleine main, l'a serré, enfin, tu vois, pour vérifier s'il était mûr, et l'a reposé. Et j'étais vraiment genre, bah. Là, un fruit à 20 centimes, même si, enfin, tu vois, ne le repose pas. Tu vois, ouais, fais un effort de guerre. Ça, je le fais. Mais après, moi, je. Non, mais un gant, fais un truc. Enfin, je sais pas, passe-le. Ouais. Je sais pas, j'ai trouvé qu'en plein. Mais tu laves pas tes courses ? Moi, je ne lave pas mes courses. Ah, bah voilà. Ouais. Oui. Je ne lave pas mes courses. Ma meuf nous a fait des masques. Ouais. Et ça, c'est assez fou quand même. Enfin, c'est trop bien. Ouais. Mais on met les gants, on a les masques, mais non, moi je lave pas mes courses. Ouais. J'ai pas pris le pli de ça encore. Ouais, nous on en lave tout. On lave toutes les courses. Ouais. Non. Pas, bah, après, c'est nous le virus, de toute façon. C'est nous le virus, hein, ça je vous le dis. C'est nous, l'État, hein. Pour moi, le pire. Ouais. Oui, pardon, j'avais oublié. Ouais, n'oublions pas quand même. Bon bah trop bien. Écoute, est-ce que tu as moi j'ai noté 2-3 autres trucs. J'ai aussi les recommandations. Moi j'ai maté Tiger King du coup. Ça c'est parce que je sais que tout le monde en parle. Ouais. T'as regardé Tiger King toi? J'ai tout regardé, ouais. Oh là là. Alors on va peut-être spoiler un peu. Donc avant de parler de Tiger King, on va s'écouter une petite chanson que je partage avec vous. Elle dure 4 minutes, hein, 3 minutes je crois. Si vous avez envie de la sauter, vous pouvez. D'accord. 3 minutes, mais une petite chanson d'un cœur à l'autre. Voilà, j'espère que ça vous touchera. Tout simplement. Il est 8h du match, j'applaudis le corps hospitalier, les éboueurs, les routiers, bien sûr les caissiers. Sur Twitter, je critique les gens qui sortent de chez eux, qui vont dans leur maison de campagne à Périgueux. Je suis un modèle du genre, je développe ma créativité. Je me suis mis au sport et puis j'apprends l'anglais. Mais je me suis fait trahir par la femme qui partage ma vie. Quand Amazon a sonné pour déposer un colis, je rédige mes attestations, j'essaie d'être quelqu'un de bien. Mais ma meuf vient de se faire livrer une machine à pain. Sur Facebook j'ai critiqué Jeff Bezos et tout son fric. Ce matin on m'a livré une machine à pain électrique. C'est sa copine Charlène qui lui aurait donné envie. Elle a cuisiné des sablés, les a postés en story. Moi qui donnais des leçons, ben j'ai pas l'air d'un abruti. Avec notre machine qui sert à faire des pâtisseries. C'est carrément la honte, mais j'ai bon, je m'appelle. Les sablés de ma meuf ont l'air meilleurs que ceux de Charlène. Je les trouve un peu secs, alors je vais me servir de l'eau. Mais c'est étrange, ces bulles qui remontent aussi haut. Oh putain! Je rédige mes attestations, je ne commets aucun crime. Mais ma meuf vient de se faire livrer une Soda Stream. Non mais faut qu'on arrête. À peine le temps de comprendre, d'engueuler la mère de mon fils. Que le livreur d'Amazon dépose un Thermomix. Quoi? Mais on en a pas besoin. Un extracteur de jus, oh. Un service pour faire des cocktails. Ça fait beaucoup. J'ai honte quand je dépose les cartons dans le local à poubelle. Un service à raclette au mois d'avril, elle perd la tête. Ça dépasse de partout. On a qu'une kitchenette. Jeffrey Bezos, dit Jeff Bezos, né le 12 janvier 1964 à Albuquerque, au Nouveau-Mexique, est un entrepreneur et investisseur américain dans les domaines des technologies et du commerce. Il est le fondateur principal actionnaire et président directeur général d'Amazon.com. Son crâne est très, très, très chauve. Très, très, très chauve. Oh ! Je rédige mes attestations, j'essaie d'être quelqu'un de bien. Mais ma meuf vient de se faire livrer une machine à pain. Sur Facebook j'ai critiqué Jeff Bezos et tout son fric. Ce matin on m'a livré une machine à pain électrique. Voilà, c'est évidemment pas disponible sur Spotify, Deezer et compagnie, puisque ce n'est pas si bien. Donc oui, Tiger King. Alors moi, Tiger King, j'ai vraiment trouvé ça très sympa au début, et je trouve la fin un peu ennuyée, moi. Alors moi, c'est pas que ça. Alors, enfin, pardon, si tu veux. Non, vas-y. Approfondir. Vas-y. Mais moi, c'est que j'ai trouvé ça. Disons, au début, tu te dis, ah, c'est des personnages hauts en couleur, ces gens et tout. Non, il y a un côté genre, ils sont, c'est un peu distrayant, malgré le côté maltraitance animale qui est vraiment là tout de suite. C'est un peu le thème du truc. Il y a une patate dans un lion assez vite. Voilà. Et en fait, moi, j'ai trouvé ça hyper badant, en fait, juste. Hyper badant, très plus ça allait, plus il y a vraiment une plongée dans tout ce qu'il y a de pire chez l'être humain, et en fait ça me faisait plus du tout marrer au bout d'un moment, quoi. Il y avait vraiment un côté même les gens, même la meuf qui est censée être un peu qui défend les animaux, non, tu te dis clairement il y a un truc bizarre et tout. Bah, elle a son épisode, il y a vraiment son épisode où tu te dis c'est la gentille pendant deux épisodes, et d'un coup on te dit bon, pas forcément. Et puis il y a quand même beaucoup d'histoires de manipulation sexuelle chelou, quoi. Enfin, à des fins sexuelles, disons. Enfin, c'est hyper glauque, quoi. Enfin, c'est le truc qui est bizarre, c'est qu'en fait, des fois, enfin, je trouvais que la plongée dans le glauque est plutôt. Moi, j'ai plutôt aimé. En fait, je trouve, pour moi, l'exemple, c'est au début, tu vois les chansons de country et tu fais oh putain, n'importe quoi. Et plus elles avancent, tu fais oh là là, c'est tellement malaisant. Mais ce qui est bizarre, c'est que à pas choisir de héros et à dire qu'ils sont tous pourris, il y a un peu un truc de des fois, t'as l'impression qu'il en sauve, il sauve un peu des gens, mais qui sont quand même horribles. Donc en fait, c'est assez bizarre. Bah, le héros Joe Exotic, vers la fin, c'est presque comme s'il te le faisait passer, genre il s'est fait arnaquer et le pauvre. Sauf qu'en fait, tu comprends qu'il tenait des mecs avec la drogue. Enfin, tu vois, ils font genre c'est une histoire d'amour. Sauf qu'en fait, ils sont tous tenus par la cam. Puis quand même, il défonce des tigres, et enfin bon, bref. Et c'est assez chelou, en fait. Parce que des fois, t'as l'impression qu'ils essaient de sauver des persos, mais quand même, ils sont horribles. Donc, je sais pas. Ouais, c'est ça. Et moi, je trouve qu'il y a un côté. Moi, je pense que ce qui m'a dérangé, c'est. Enfin. En fait, il y a un côté. Tu déshumanises un peu. Justement, par exemple, Joe Exotic. Il y a un côté. Oui, non, mais ça reste marrant parce que c'est pas vraiment. Enfin, c'est juste un redneck à la con, tu vois. Et du coup, t'es censé le traiter comme un personnage des Simpsons, tu vois. Sauf que il est horrible aussi, tu vois. Et il y a un peu un côté. Enfin, moi, j'ai entendu des podcasts qui en parlaient, etc. Et ça me mettait assez mal à l'aise de voir à quel point les gens trouvaient tout marrant. Alors qu'il y a vraiment des trucs, des drames en fait, et tout le monde dit ah, et comme si tu sais c'est des white trash et tout, donc c'est pas grave, tu vois, même les drames restent divertissants parce que c'est comme si c'était pas des vrais gens, tu vois, et je pense que ça se ressent aussi, je pense, dans la réelle du truc, quoi. Il y a un côté, non mais marrez-vous, c'est des white trash, on s'en branle, tu vois. Et un côté bah non, en fait c'est horrible. Enfin, je veux pas spoiler, mais il y a des trucs qui m'ont vraiment choqué. Bon, non, mais là, j'ai dit avant la chanson qu'on allait spoiler après, donc voilà. Ouais. Mais en gros, pour moi, c'est vraiment un film des frères Coen, mais en vrai, avec tout ce que ça amène, à savoir, bah, ça me. Ouais, c'est ça, c'est-à-dire que tu passes du rire au malaise très vite, et plus ça avance, plus t'es mal à l'aise. Et surtout qu'au bout d'un moment, tu oublies des persos qu'on t'a présentés, mais qui sont quand même horribles. Genre, je pense au gars qui arrive à dos d'éléphant, qui a un harem. Et lui, il disparaît dans l'histoire, mais tu te dis, mais c'est fou parce que ce gars existe quand même, tu vois. Enfin, c'est. Ouais. En fait, c'est ça. En fait, moi, ce que je trouve fascinant, c'est que le moindre petit rôle est haut en couleur, quoi. Enfin, c'est-à-dire que, tu vois, oui. et même les plus normaux, entre guillemets, à savoir, alors j'ai pas les noms, mais. Enfin, c'est le gars qui a des jambes de bois. Et oui. La nana, alors j'ai lu en plus, apparemment c'est une personne transgenre, mais je sais pas, j'ai pas lu les articles tout. Mais la personne qui s'est fait attaquer, quoi, qui s'est fait bouffer la main. Le bras, ouais. Ouais, c'est ça. C'est les plus, tu vois, les plus sains d'esprit. Ouais. Et pourtant, il leur arrivait des trucs horribles, quoi. Enfin, c'est vrai que ça, c'est assez fou quand même, que le moindre petit personnage soit, soit complètement. Ouais, c'est fou. C'est dans un scénario de fiction, tu te dis, c'est beaucoup. Ça, on n'y croit plus. Et il y a vraiment un truc où c'est fou de voir à quel point les gens qui adorent les tigres sont tous chelous sexuellement, quoi. Enfin, il y a vraiment tout. C'est tout... Non, mais je parle pas d'homosexualité, hein, mais un côté besoin de contrôler les gens à des fins sexuelles et tout. Enfin, il y a vraiment. Ça, il doit y avoir un lien, quoi. C'est pas possible. Genre. Bah, moi, alors, moi, c'est ma déception dans l'émission. Enfin, dans la série documentaire, c'est que j'attendais que quelqu'un ait enculé un tigre. C'est-à-dire que, c'est-à-dire qu'à un moment, j'attendais quelqu'un qui a dit oui, effectivement, il a déjà sucé un tigre, ou enfin, tu vois, quelque chose comme ça, parce que, bah, c'est sûr. Enfin, tu vois, il y a un moment. Il y a forcément quelqu'un qui a essayé de mettre un doigt à un tigre au moins, quoi. Ouais. Une tigresse. Ils sont capables de les endormir. Ouais. Je pense qu'il y a eu, un truc fait à un tigre. Bah. Mais c'est. Ouais. Et apparemment, là, j'ai vu Netflix, ils vont sortir un épisode genre que sont-ils devenus et tout. Enfin, genre. Ouais, c'est il paraît. Vraiment... Ça a fait plus d'audience que Stranger Things saison 2, j'ai lu. Ah ouais ? Putain. Ouais, bah après, le confinement a dû aider aussi, quoi. Le confinement, et puis c'est vrai que ça se consomme, entre guillemets, vite. Voilà, comme Groom, qui explose box-office, quoi. Non, alors par contre, je vais mettre un peu de sucre dans ton sel. Non, non, mais non, je suis d'accord. Non, non, mais il n'y a pas de sel. Mais je pense qu'on va être d'accord, mais vas-y. Mais ce qui est très cool, c'est qu'on a eu énormément de bons retours. Ouais, et voilà. Genre vraiment beaucoup plus que la saison 1. Aussi confinement oblige, je pense. Bah, et, ouais, beaucoup ouais. de bons retours et c'est chouette de lire vos avis et tout, les gens qui sont abonnés ou les gens qui ont pris qu'un mois d'abonnement ou les gens qui sont patients et qui attendent une semaine. Ouais, ouais. C'est assez cool à lire, enfin ça fait plaisir. Les gens kiffent et voilà, ça fait plaisir. Donc merci à vous. Confinement plus gratuité, quoi. Ouais, ça doit jouer. Et non, mais c'est vrai que comme tu dis, j'ai aussi eu quelques retours de gens qui disent j'ai maté les premiers épisodes et j'ai pris un abonnement pour regarder la suite et tout, donc ça fait hyper plaisir, quoi. Je sens plus de retours que quand la saison 1 était sortie à l'époque où bah forcément malgré le mois gratuit il y a quand même peu de gens qui l'avaient vu. Là je sens qu'il y a quand même plus de gens qui ont regardé et ça fait plaisir, quoi. Ça fait très plaisir. Et j'ai vu beaucoup à chaque fois, pas tant, mais quand même. J'ai eu quelques messages qui demandaient un nouvel épisode spécial Groom pour parler de la saison 2. Et il aura lieu, c'est juste que là, c'est un petit peu difficile c'est à organiser. Ouais. Parce que même ça me permet de répondre à une question que les gens se posent en disant, mais en même temps, vous pouvez faire des floodcasts à distance. Avec plusieurs, comme sont faits les floodcasts, à savoir 4 personnes ou 5 personnes qui discutent en même temps, même là, vous l'avez sûrement entendu avec Adrien, on se marche un peu dessus, c'est normal, on se voit pas. Et même si on se voyait, d'ailleurs, ça aurait lieu. C'est vraiment comme une conversation téléphonique. Donc, je pense que c'est difficile à faire, et voire impossible. Donc, je préfère pas, je sais pas. Ouais, il y aura peut-être encore un autre épisode fait de façon un peu rigolote comme celui-là, parce que j'aime bien faire des floodcasts quoi qu'il arrive. Mais voilà, c'est compliqué de faire des floodcasts comme si, enfin des floodcasts normaux, dirons-nous, avec autant d'invités que prévu, quoi. Donc voilà, je suis obligé de trouver des petites façons de faire, un petit peu différentes de d'habitude. Mais là, surtout, c'était moi, Adrien, on ne s'est pas parlé depuis le début du conférence. On se parle beaucoup par texto, mais on ne s'appelle pas. Oui. Du coup, ça me fait plaisir de t'avoir au téléphone et d'avoir de tes nouvelles. D'entendre nos voix. Oh là là, quel bonheur. Écoute, on va du coup peut-être en profiter pour conseiller des choses, les petites recommandations de fin d'émission. Alors, j'ai choisi, parce que en fait, depuis tout à l'heure, donc j'ai deux micros, moi, parce que comme je te disais, j'avais peur que mon ordi déconne, donc j'avais mis mon Zoom en plus. Et j'ai pas fait de test d'enregistrement avant, donc yes. J'ai une petite crainte. Que en fait on entend vraiment des gros souffles dégueulasses dans mon micro. Du coup, je viens juste de mettre un pop killer, un écran oui, devant sûr. Les micros à la fin du podcast. Voilà. Donc cool, j'en mets. Si le son est hideux, je suis désolé. Voilà, j'espère. Ben non. Non, mais t'inquiète pas. Est-ce que tu as une recommandation? Parce que Animal Crossing, ouais. J'ai l'impression que c'est tout le monde, mais bon. Oui, voilà. Non, moi si, il y a un bouquin que j'ai écouté parce que je lis pas. Non mais en vrai, enfin si je lis un peu mais très lentement et c'est vrai que les livres audio. Alors c'est un livre qui existe aussi en normal mais moi pour le coup je l'ai écouté en livre audio parce que c'est un mode de consommation qui me convient. Parce ouais. que je me pose très rarement, tu vois, l'idée de. Enfin j'aime bien pouvoir l'écouter et faire autre chose en même temps, tu vois. Donc voilà. Très longue introduction, peu pas indispensable, mais voilà, comme si je me justifiais de pas lire alors que je m'en branle. Non, un livre qui s'appelle Atomic Habits, qui est, alors c'est un peu si les, pour les gens qui sont allergiques à ça, c'est un peu développement personnel, donc mais pas pas un truc mystique ou enfin tu vois, c'est vraiment un truc très terre à terre. Sur oui, donc en gros, pas un livre de développement personnel qui fonctionne, tu veux dire. Non, c'est cela qui marche le plus, aucune... normalement. Ouais. Non, c'est un truc très qui donne des. En fait, c'est un truc sur les habitudes, le fait de se former des habitudes, l'importance de d'avoir des habitudes dans sa vie et comment et surtout ce que j'ai apprécié, c'est qu'il est assez court. Il va à l'essentiel, parce qu'il y a un autre livre que je suis en train d'écouter en ce moment, mais que je trouve moins intéressant, qui s'appelle The Power of Habits, qui parle de la même chose. Mais celui-là, je trouve qu'il traîne beaucoup, à raconter beaucoup d'anecdotes, alors que, bon, au bout d'un moment, on s'en bat les couilles. Alors que Atomic Habits, il est très, justement, il te donne vachement de méthodes concrètes pour réussir à créer des habitudes positives, se débarrasser de ses mauvaises habitudes, etc. Et j'ai trouvé ça vachement intéressant et motivant dans l'optique de se prendre en main, tu vois, de se dire on peut avoir une incidence sur ses mauvaises habitudes et son manque de bonnes habitudes et tout ça. Donc j'ai trouvé ça assez cool. Voilà, faut pas être allergique à ce genre de bouquin, parce que ça reste du truc de développement personnel, mais moi moi j'aime bien et j'ai trouvé ça assez cool. Donc voilà. Eh bien, moi aussi, Amazon, j'ai un bouquin. Le site Amazon pour commander. Non, je plaisante. Mais c'est rigolo, tu verras, parce que toi, tu n'as pas, petit secret de la conception du podcast, tu n'as pas entendu la chanson, elle parle de ça, justement. Donc d'accord. Non, moi, c'est aussi un livre que je conseille, que j'avais acheté il y a quelques temps et que, comme tous les livres que j'achète, je mets 2 ans et demi à les lire. Bien sûr. C'est l'autobiographie de Francis Weber. Alors, d'accord, qui est Francis Weber, évidemment, c'est un scénariste français. Mec qui a écrit Les Fourmis. Non. Non. Ok. Pas du tout. Weber. Voilà, c'est ça. Non, là c'est Weber. C'est le mec qui a écrit La Chèvre, Les Compères, Les Fugitifs, Le Dîner de Con. Voilà, ça c'est les films qu'il a écrit, réalisé, mais il a aussi écrit Le Grand Blanc avec une chaussure noire, il a écrit L'Emmerdeur, il a écrit. Comment il s'appelle ce film génial, Coup de tête de Jean-Jacques Hano. Ouais, génial, putain. Non, c'est assez fou en fait. Quand tu lis la biographie, moi je savais qu'il avait écrit plein de trucs. Les est vraiment. Les Fugitifs, ouais. C'est pas. C'est le truc avec Michel Blanc et Lanvin. Et pas non. Du tout. Ça, c'est Marche à l'ombre. Michel Blanc et Bernard Giraudot, je crois. C'est pas ce film-là du tout. Non, parce que là, les fugitifs, c'est comment? C'est Depardieu et Pierre Richard. Giraudot, c'est Viens chez moi, j'habite chez une copine. Non, c'est un film aussi où c'est deux mecs qui s'enfuient et ils sont menottés. Ils sont menottés. Arrête. Ensemble et ils peuvent pas. Bah écoute, je vais chercher immédiatement. Tu m'énerves au plus haut point, d'accord? Donc ouais, Francis Weber. Et il a écrit La Cage aux Folles aussi. Bon, bref, j'avais noté tous les films qu'il avait. Mais c'est pour vous dire qu'il a vraiment plus ou moins créé la comédie française fin 70, début 80. Et alors le titre est pas ouf, ça s'appelle Que ça reste entre nous, parce que des fois il tire un peu à balles réelles sur le cinoche français. Mais c'est assez fascinant parce qu'il retrace vraiment toute sa vie de scénariste. Et c'est vrai que moi je suis toujours un peu mal à l'aise de donner des conseils d'écriture, parce que je comprends si vous écoutez notre travail ou si vous regardez notre travail, que vous vous demandiez et qu'il y a un accès qui fait que vous nous demandez comment on fait. Mais c'est des conseils, en tout cas je parle pour moi, de quelqu'un qui débute vraiment dans ce métier, donc je suis pas sûr d'être un bon prof. Francis Weber est une personne qui a écrit les comédies françaises les plus importantes de l'histoire du cinéma. Donc c'est pas mal de lire son bouquin, parce que c'est entrecoupé de façons de travailler, d'anecdotes, et en plus il a côtoyé les plus grands, quoi. Il y a des anecdotes de tournage avec Depardieu, avec Pierre Richard. Donc il y a un côté esprit un peu français, un peu, comment il s'appelle, Jean-Pierre Mocky, de « je vous dis des trucs, faut pas le répéter », enfin tu vois, c'est un peu potin même des fois. Mais ça se lit très bien parce qu'il est très drôle, c'est très marrant et voilà, je vous conseille ce livre. Je ne sais pas s'il est disponible justement en Kindle et compagnie pour le lire pendant le confinement, mais c'est un super livre. Et je voulais, mais je n'ai pas trouvé la ref, donc si quelqu'un connaît la ref, qu'il n'hésite pas à me la mettre sur Twitter et comme ça je le partagerai. Mais il y a un réalisateur de documentaire pour Canal+, qui avait fait un documentaire sur Joe D'Apato. Alors vous connaissez ma passion pour Joe D'Apato, et Et il avait fait un documentaire sur lui extrêmement, comment dire, extrêmement fourni. Parce qu'il y avait des interviews de Steve Carell, de Adam McKay, de Kristen Wiig, de Paul Rudd, de Paul Feig. Donc de plein de gens qui l'ont côtoyé, qui ont travaillé avec lui. Et c'est un documentaire en français sous-titré et qui était sur Canal, qui n'était plus dispo sur Canal nulle part. Et le réalisateur l'a mis gratuitement sur Vimeo. Donc et c'est un documentaire de 1 heure sur Judd Apatow qui est vraiment très rempli, et il y a aussi un entretien avec Judd Apatow qui ponctue un peu tout le truc. Et même moi qui pensais être un énorme fan de Judd Apatow, j'ai appris des trucs. Donc voilà, alors c'est un peu nul, j'ai pas le titre et tout, mais si quelqu'un voit de quoi je parle, qu'il n'hésite pas à me dire et je le mettrai en lien dans la description. Voilà, voilà, bah, c'est tout. Tu as retrouvé le film, Adrien ? Absolument, le temps que je viens de retrouver, c'est parfait. Et en fait, le film dont je parle, donc c'est avec Bernard Giraudot et Gérard Lanvin, et ça s'appelle Les Spécialistes. Et donc c'est aussi, je crois, ça parle de mecs qui s'enfuient, etc. Et en fait, j'y pensais parce que c'est les dialogues sont de Michel Blanc, entre autres, de Michel Blanc et Patrice Lecomte. Et, je me souviens d'avoir vu ce film quand j'étais gosse et d'avoir kiffé justement les dialogues, parce que moi, je suis grand fan de Michel Blanc et on sent vachement la patte de Michel Blanc dans ce film, et j'avais trouvé ça cool. Voilà. Ouais, ouais, très bon scénario. Réalisé par Patrice Lecomte. Ouais, ouais, et Patrice Lecomte qui a fait aussi un autre film super qui s'appelle Tandem, que je vous conseille, avec Jean Rochefort et Gérard Jugnot. Les Bronzés aussi. Et les... je sais pas si vous connaissez. Ouais, les gens savent pas forcément. Moi, oui, c'est vrai. Ouais. Monsieur Sinoche. Il était dessinateur de BD avant, Patrice Lecomte. Tu confonds avec Uderzo, je pense. Ouais, je RIP, pense d'ailleurs. Que tu confonds. Et RIP d'ailleurs. Ah, mais tu sais que j'ai fait ça moi sur Twitch. J'ai fait un truc, il y a des replays de dispo. J'ai il vu, j'ai vu, j'ai pas YouTube. Tout regardé, mais j'ai vu ça, ouais. Ah, bah en même temps, ça durait 6 heures. Mais j'ai, ouais, j'ai sur Twitch, il faudrait que je termine d'ailleurs. Ouais, j'ai pas trouvé en fait, le j'ai, temps. J'ai regardé vite fait pour voir si tu m'avais filé un rôle dans le film et pas du tout, donc j'ai coupé. Alors, si. Ah, bah écoute, j'ai pas assez regardé alors. Quel idiot. Normalement, tu as une. Alors, je vais dire aux gens d'abord et ensuite je te réponds. J'ai lancé un truc en hommage à Uderzo. Moi, je suis un très très très grand fan d'Astérix. Bon, comme plein de gens, hein, mais vraiment, j'ai grandi avec ça et c'était vraiment le truc que je partageais avec mon grand-père. Et RIP aussi d'ailleurs. Et donc, du coup, j'ai lu, j'ai grandi avec les Astérix. Et il y avait un truc que je voulais faire depuis longtemps, surtout en Twitch. Et du coup, je me suis dit, bah, pour célébrer. Uderzo, ça peut être la bonne façon, c'est adapter une BD en scénario, alors pas vraiment en scénario comme on l'entend, mais comme une histoire, un traitement quoi. Et donc du coup avec les gens du chat sur Twitch, sur mon Twitch, Flo Bernard sur Twitch, on a travaillé sur une adaptation. Donc on a choisi ensemble la BD, on a choisi des comédiens et après on a déroulé un petit peu ce qui pourrait se passer. Donc c'est pas un vrai scénario, c'est plus un traitement de ce qui pourrait se passer. Et Adrien Méniel, tu as un rôle, okay. Puisque tu interpréterais un Romain. Aux côtés de Simon Astier, oh, et, putain. De, ouais, oui, et de Arnaud Joyer. Oh et là là, le régal. Je peux pas te dire mieux, et je vais même te donner ton nom tout de suite dans la, parce qu'on a trouvé des noms. Il faut savoir qu'au début c'était on cherchait une histoire, et très vite c'est devenu trouvons des jeux de mots en U et en X avec le chat. Tu l'imagines bien. Bien sûr. Tu t'intitules, je vais le trouver. Je peux déjà te dire de mémoire que Simon Astier s'appelle Miley Cyrus. Voilà. Ça, on sent fier. Que c'est un rôle important, en tout cas dans le film. Tu voulais que je dise Astérix, c'est ça. En fait, au début, on voulait te mettre en Astérix, et en fait, on s'est dit qu'on allait mettre comme si le film était finançable. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Bah, ça me fait absolument pas mal que même dans un truc fantasmé et dans l'imaginaire, je ne sois pas cassé pour les mêmes raisons que dans la vie. Ça me fait extrêmement plaisir que même dans cet univers du songe. Créé par un ami, créé par un ami, je sois relégué au stade du mec avec un petit rôle. Probablement non, tu interprètes soutien Mordicus, dis-toi. Oh, bon, je suis étonné qu'il n'existe pas. Ah, il existe Astérix. Peut-être, j'ai pas dit qu'on l'avait inventé. Hein, ah, oui, d'accord. Okay. Oui. Non, il existe peut-être, mais c'est soutien Mordicus. Très bien. Et Astérix, c'est Alex Lutz, donc ça pouvait pas être toi, t'imagines bien. Bah, bien sûr. Oh, mais ça marche, hein. Je suis Guy Jamais, mon petit pote. Alors je change, c'est bon, Adrien Méniel joue Astérix. C'est bon, c'est modifié, c'est bon. Okay, très bien. On a adapté le Tour de Gaulle pour tout te dire. Je sais, j'ai regardé un peu pour de vrai. Hein. Un vrai bonheur. Donc ouais, peut-être on terminera ça à l'occasion sur Twitch. Mais ça me fait penser à l'époque où on fantasmait, à l'époque de Golden Moustache, sur un Astérix où je jouais Astérix et Greg Romano jouait Obélix. Ouais, on avait même commencé, je me souviens, un scénario qui s'appelait Lutèce Reloaded, je crois, ou Reloadum, du coup. Peut-être, ouais. Et c'était, ouais, c'était Astérix version Tarantino, je me souviens. Je dois avoir le texte oui, encore. Exact, oui, c'est ça. D'ailleurs. Oui, putain, c'est vrai, oui, oui. Ouais, ouais, c'était Astérix Tarantino, et c'est vrai que c'était toi qui faisais Astérix et Obélix et Greg Romano qui faisait Obélix. Putain, c'est vrai, ça fait longtemps, la vache. Ouais, ouais, ouais, bah c'est une autre époque. Ah, oh, on n'avait pas peur du Covid à l'époque, on était tranquille, on était dehors, voilà, si tu savais. Ouais, je me rappelle. Bon, bah écoute, c'est la fin de cette émission, Adrien. Oui. Donc on peut te retrouver sur Twitch. Attends, mais parce tu m'avais dit que tu avais une devinette. C'était Covid Adèle. Ah bah oui, ok. Elle est bien. En fait, tu m'as offert un espèce de petit tapis rouge en disant j'ai le titre et j'ai essayé de la faire rentrer comme ça. Bah oui, puis du coup j'ai tout gâché. C'était très fluide et je. Voilà, un petit. C'est la fin, tu sais, là, les gens qui sont encore là, c'est des vrais de vrais, hein, tu sais, c'est vrai, comme parce d'habitude. Il y a possiblement, au bout de 5 minutes de moi qui souffle dans mon micro, les gens ont vraiment arrêté d'écouter, possiblement, hein, vu que je n'ai fait aucun test. Écoute, au pire du pire, il y a la pire version de ce podcast, c'est que c'est toi avec une voix de téléphone branchée sur ma carte son. Après, il y a peut-être des filtres qui réduisent ça, je sais pas, on verra. Écoute, je t'enverrai le fichier. Adrien, est-ce que tu penses que je vais mixer cette émission ? Bien sûr que oui. Mais bien sûr que non, enfin, mon pauvre ami. Non mais donc voilà, est-ce qu'on peut te retrouver en live ? Alors tu penses en faire d'autres ? Ça dépend un peu de la première, j'ai l'impression. J'ai absolument pas prévu d'en faire d'autres. On verra si ça me plaît, on verra comment ça se passe. Pourquoi pas ? Pour l'instant, l'idée c'est d'en faire un, parce que j'ai dit que j'en ferais un, donc je le ferai. Et puis surtout, j'avais dit, il y a ça aussi, c'est que pendant le Téléthon Gaming, il y avait un des paliers où j'avais dit je fais un live sur Twitch. Donc du coup, ce sera à la fois l'occasion de poursuivre le jeu que j'ai fait dans le live de McFly et Carlito, de faire ce live que j'avais promis aux donateurs et donatrices, et accessoirement aussi de... Oui, parce que le but, c'est aussi de récolter des dons pour la Fondation de France, puisque c'était un truc caritatif, le live de McFly et Carlito. Et du coup, pour poursuivre, je me suis dit pourquoi pas essayer aussi de, à mon humble niveau, de récolter des dons aussi. Donc ça fait caritatif, 3... mais je touche 10% de la somme vu que j'ai écrit les petits jeux. Bah c'est bien joué, mec. Y a pas bien de... négocié. On peut pas bosser en ce moment, donc il y a pas de mauvais moyen de se faire de l'argent, crois-moi. Oh non. j'ai braqué pas mal de gens dans la rue. Sous prétexte, fait semblant de faire un malaise, les gens sont venus à mon secours, je les ai poignardés. Donc je peux pas dire mieux. D'accord. Ah oui, c'est bien. Ça marche. Tu portes un masque, personne te reconnaît et t'es tranquille. Oh là là, t'as une nouvelle idée de film. Un braquage pendant le coronavirus. Ah, bim. Pas mal. On reconnaît pas le visage, masque, lunettes, terminé. Allez. Pardon, je t'ai coupé du coup. Excuse-moi. Non, pas du tout, j'avais fini. Non, mais donc ouais, a priori. Le jour de la sortie de ce podcast, 17h, je pense. J'annoncerai de toute façon en story. Si, bien sûr. Voilà, parce que ça fait un moment que je décale. Là, a priori, j'ai plus d'excuses parce que tout est prêt. Donc, je vais essayer de faire ça lundi. Je voulais le faire dimanche, mais je ne voulais pas empiéter sur le live de la bonne auberge déconfinée. Donc, du coup, je ferai ça lundi tranquille. Parfait. Groom, évidemment, ça c'est notre projet à tous les deux, mais Groom, dans lequel ouais. Tu joues et que tu as écrit. Oui, bah oui. Voilà. Donc là, quand le Floodcast sort, il y a donc toute la saison 1 est disponible sur YouTube et la saison 2 jusqu'à l'épisode 4. L'épisode 5 sort mercredi, puisque c'est un épisode par semaine. Et si vous êtes abonné YouTube Premium, vous pouvez binge-watcher la série, voilà, tout simplement. Pas mal. Et c'est pas pour vous, c'est pas pour vous pousser à l'achat, parce que vraiment ça ne changera rien vis-à-vis de moi, mais ça se binge-watch pas mal, je trouve. Moi j'ai binge-watché la série et je trouve que ça se binge-watch pas mal. Ouais. Vu que la série au bout d'un moment pense à partir du 4-5, ça commence à prendre un espèce de truc au niveau de l'intrigue, bah, ça se binge-watch pas mal, je trouve. Ouais. C'est vrai voilà. Que c'était une des volontés, on aura l'occasion d'en reparler dans un épisode spécial, mais une des volontés d'Axel qui était de faire un truc un peu plus tu vas me rappeler le nom parce que l'adjectif feuilletonnant, oui, qui se suit, oui. Et c'est vrai que du coup je pense qu'on a pas trop mal réussi ça. Non, je pense que ça se binge-watch effectivement pas mal, comme je l'ai dit 16 fois. Et voilà, bah, moi je fais un peu du Twitch, je sais pas si j'en referai, c'est pas sûr, parce que j'ai moins le temps qu'avant. Mais oui, donc Groom trop bien, Groom dispo. Et voilà, c'est déjà pas mal, hein, pas mal, oui. Bah merci Adrien. Eh bah merci à toi. Cool. J'espère. Je vais réécouter de ce pas mon enregistrement pour voir si c'est dégueulasse ou pas. J'espère bah, écoute, que non. Je l'espère aussi. Mais de toute façon, au pire, l'émission sortira, sache-le. Oui, oui. L'émission sortira quoi qu'il arrive. Bien sûr. Mais écoute, je te fais des bisous, mais enfin avec un mètre de distance. Hein. Non, mais enfin, ouais, bon, bien sûr. Avec le coude, hein. Alors quoi, au France Inter. Bonne soirée, gars. Salut, bisous. Ciao, merci à tous. Au revoir, tout le monde. She was a rich woman, she had rich taste. She felt the blood running through her veins. She liked the life she had, she loved her big cats and the beauty of being untamed. Well, everything was fine, just as sweet as wine, but her husband went and disappeared. But then it got a little crazy, it got a little hazy, and the cops said there's something wrong here. Oh, here, kitty, kitty, oh, mama's got some treats for you. Taste in the zoo. Oh, here, kitty, kitty. Oh, Mama Carol, she sure loves you. Oh, here, kitty, kitty. Oh, Mama made this for you. On a big cat refuge, don't pick a fight with your wife, 'cause it's a big 40 acres, and if you're not careful, you'll be gone in the blink of an eye. No bones, no remains, but that won't change the fact that Dawn sure ain't coming back. But you can't prosecute, there's just no use, there's nothing left but tiger trap. Oh, here, kitty, kitty, oh, Mama's got some treats for you. Oh, here, kitty, kitty, well, you can't find this taste in the zoo. Oh, here, kitty, kitty, Mama Carol, she sure loves you. Oh, here, kitty, kitty, Mama made this for you. Oh, here, kitty, kitty, Mama's got some treats for you. Oh, here, kitty, kitty, you can't find this taste in the zoo. Mama made this food.